Yo, it's Dr. Good Mike again, Caribbean gospel music again. Let me tell you, MC Seigneur. En effet, une grande source de gain se trouve dans le contentement. Alors merci Seigneur, 1 Timothée 6, 6, yo. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes sans t'en exiger plus. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes sans t'en exiger plus. Tous les jours tu me donnes mon pain quotidien. J'ai toujours de quoi me chausser et m'habiller. Merci Seigneur, ça me fait du bien. Je sais que t'es toujours reconnaissant pour ce que tu fais pour moi. Tu me propulses en avant, avancer avec toi, oui avancer. T'es que dans ma cœur, je ne recule pas. Quand ta main me touche, je suis minante de ton fire. Yao yao, je ne m'éloignerai pas de toi. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes sans en exiger plus. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Dont j'ai besoin bien mieux que moi. Je t'ai donné ma vie, c'est toi qui connais même l'heure de ma mort. Pourtant certains disent que t'as besoin de l'autorité de l'homme pour agir. Parole vaine, il place l'homme au-dessus du divin. Dieu n'est pas obligé de faire ce qu'on demande. Qu'ils se repentent car ils auront des comptes à rendre. L'Éternel ne rigole pas. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes sans t'en exiger plus. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je veux me contenter de ce que tu me donnes sans t'en exiger plus. Alléluia, éloignez-vous de l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Comme dit 1 Timothée 6, 10, ça vous éloigne de la foi. Et c'est ce que fait le dominationnisme, le prospéritisme, en montant en vous de l'orgueil, en vous montant la tête, en vous faisant croire que c'est ce qui plaît à Dieu. Mais c'est faux, ça mène à la mort. Ils veulent tous dominer quoi? Donne-moi un seul verset où Jésus-Christ a dit ça. Il est temps d'arracher la peau de brebis sur les loups. Les déguisements vont tomber right now. Dominé par-ci, dominé par-là. Mais leur vie de péché, ils ne la dominent pas. Ils veulent dominer par-ci, dominer par-là. Mais leur langue vivante, ils ne la tâchent même pas. Ils veulent dominer sur-ci, dominer sur-ça. Ils devraient dominer sur leur hypocrisie. Oui, leur hypocrisie, leur hypocrisie. Regarde les boudés, ils aiment pas ce que je dis. Yeah, yeah. Tu le penses tout bas. Je dis tout haut. Take the mic again. Oh.